Do I even have a choice when I'm gonna have to pick my poison? Have you hurt me so good, so good? And even when you cause tears, you're the one who wiped them away. Maybe that's the reason I stay. But I'd rather fight and lose sleep at night. At least you're mine. And if I have to choose my heart or you, I'm gonna lose. What if nothing ever will change? Oh, I'm caught between your love and a hard place. Oh, I wish there was a right way. I'm caught between your love and a hard place. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. What if nothing ever will change? I'm caught between your love and a hard place. Oh, I wish there was a right way, yeah. I'm caught between your love and a hard place. Bonsoir, vous venez d'écouter Her Hard Place. Donc il est 19h, vous êtes dans les coulisses sur Radio Web Passion. Je suis ravie de pouvoir à nouveau partager l'univers d'un artiste de notre région. Pendant une bonne heure, il a accepté d'être interviewé et de jouer quelques titres. Ce soir, c'est de la chanson française que je vous propose. Il est auteur, compositeur, interprète en guitare-voix. Son nouvel album est en préparation. Je souhaite la bienvenue à Mathis Poulain. Bonsoir. Bonsoir Bérénice. Bienvenue dans les coulisses. Merci. Tu es bien installé? Impeccable, parfait. Tout va bien, on Nickel. Se voit, ça c'est ouais, formidable. Ça, c'est cool. Tu es arrivé directement de Blois. Tout juste. Tout juste. Et toi, tu es originaire de Blois ou de Tours? Je suis originaire de Blois et je suis étudiant à Tours. Mais je suis né à Blois, à Blaisois. D'accord, c'est pour ça. J'ai eu un doute en fait. Donc tu vas avoir 20 ans à la fin de l'année, j'ai vu. J'étais curieuse. Ça, oh. Tu es donc étudiant en faculté d'histoire. C'est ça. Sur Tours. Sur Tours. D'accord. Tu as déjà 70 concerts à ton actif, hein, si ma mémoire est bonne. Ça doit être à peu près ça, oui. D'accord. Dis-moi Mathis, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça a démarré pour toi cette aventure. Eh bien, c'est un peu large. Hein, ouais, c'est question. Large. Ça dépend à partir de quand on fait partir l'aventure, mais. c'est toi qui vas me dire. Ah, il faut que je trouve un top départ dans ma tête. Là, ouais. En fait, le déclencheur. Le déclencheur, c'est la musique dans tous les cas. J'ai toujours été baigné dans la musique, donc à partir du moment où j'ai commencé à écrire mes chansons, donc vers 14-15 ans, je me suis dit que c'était ça que je voulais faire comme métier à peu près. Et voilà, où on en est maintenant, 5 ans plus tard. Oula, 5 ans plus tard, ça fait un coup de vieux, mais 5 ans plus tard. Tu penses que t'es déjà vieux à 20 ans? Oh oui. Ok, donc le top départ, c'était quand t'avais 15 ans? À peu près, oui. D'accord, très bien. On va mettre un top départ à cette période-là. D'accord. Alors, tu as Tu as quand même fait des reprises, si j'ai bien compris, hein, parce que tu as écrit, bon ça c'est ce que tu me disais, c'est ton projet solo qu'aujourd'hui tu viens défendre. C'est ça. Mais tu as commencé par un groupe, plusieurs. Ouais. Et donc si j'ai bien compris, ça n'a pas démarré par de la composition, c'était plutôt de l'interprétation, on est d'accord. Toujours, on commence toujours sur des reprises. Ouais. D'accord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période? Ben, en fait c'était, bon, comme beaucoup, on commence par jouer avec ses copains. Au collège, moi j'ai commencé à faire de la musique avec mes potes en 5e, 6e, 5e, avec un groupe. Ça jouait peut-être pas très bien, mais on s'amusait bien et on faisait des reprises. Et puis petit à petit, on a commencé à écrire nos chansons. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Même en groupe, on commençait à écrire nos chansons. Il y a certaines chansons que je joue maintenant que je jouais à cette époque-là en groupe. Vous étiez combien? On était 5. Ouais, donc il y avait quoi comme instrument? Alors 2 guitares, batterie, basse et puis chant. On était 3 à chanter à peu près la plupart du temps. Donc toi aujourd'hui, tu te qualifies plutôt comme chanteur, c'est quoi pour toi ta force aujourd'hui? Tu te qualifies comment? J'aime bien rester entre les deux parce que je suis souvent influencé par des chanteurs, on va dire, par des voix particulières, mais j'aime bien me considérer comme musicien. En plus, je pense que les chanteurs sont des musiciens aussi, donc bah oui, c'est un pas peu de délicat, séparation entre les c'est deux. C'est un ouais. peu délicat, oui, c'est aussi des musiciens. D'accord. J'ai quand même pas mal regardé, hein, parce que bon, heureusement, j'ai préparé. J'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses sur toi. Je sais que pour le confinement, il s'est passé plein de choses pour toi. Est-ce que c'est une période un peu charnière, puisque tu me disais en off, parce qu'on a quand même un petit peu discuté, quand même le temps un petit peu de faire connaissance. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça t'a apporté, le confinement, en tant qu'artiste, sur ton projet? Alors, sur mon projet, on a vu beaucoup, beaucoup de progrès, je pense, en particulier au niveau des réseaux sociaux. Parce que en tant que musicien et chanteur, on est sur. Enfin moi, en tout cas, je suis surtout basé sur scène. Enfin là où je me sens le mieux, c'est sur scène. Les réseaux sociaux, c'est pas vraiment mon fort et ce sur lequel j'ai envie d'être le plus actif. Mais il a bien fallu trouver des solutions pendant cette période. Donc l'histoire, ça a été de faire le taf sur les réseaux. Et je pense qu'on s'est bien débrouillé. On s'est plutôt bien débrouillé à faire une vidéo par jour. Et ça a été pendant tout ce confinement, donc pendant 55 jours à peu près. Donc c'était plutôt intensif, mais c'était très très enrichissant artistiquement de pouvoir faire des reprises aussi, de revenir sur des reprises, c'était cool. Ah oui, parce que moi je t'ai vu quand même, ce qui est super en live stream, c'est que forcément, à la différence de la radio, on voit, on voit ce qui se passe. Et je me suis bien marrée parce que des fois, je t'ai trouvé dans des situations un petit peu improbables. Oui, il y en avait. Ouais. À faire du vélo, donc du sport en même temps que tu chantais avec un espèce. C'était quoi l'instrument? C'est un kazoo, ça s'appelle. Un kazoo. Un kazoo, ouais. Voilà. Très drôle d'ailleurs comme instrument. Donc en fait, tu as interprété un titre de qui avec ce kazoo? Avec ce kazoo, je l'ai utilisé plusieurs fois, mais cette fois-là sur le vélo, c'était un titre d'un groupe de Tours qui sont des copains à moi, qui s'appelle Oisif, un groupe de rock festif très très cool. Je vous invite à aller découvrir d'ailleurs aussi. Et j'ai commencé par faire des reprises. Le défi à la base, c'était de faire des reprises de toutes les personnes que j'ai croisées sur scène, donc en première partie. Donc pendant les 22 premiers jours, ça a été ça. Ça a été de tous les jours faire une reprise des 20 artistes, on va dire, que j'ai croisés sur scène. Et après, le confinement a duré, donc il a fallu trouver d'autres choses. Et je suis parti sur les artistes que j'aurais aimé croiser sur scène, ou pour ceux qui sont plus de ce monde, ou pour ceux qui le sont encore, que j'aimerais bien croiser sur scène. Et du coup, on a pu tenir les 55 jours, et je pense qu'on aurait pu tenir encore après. Mais on va pas en parler parce que, non, c'est quand même pas ouf. C'est bien de revoir des gens quand même. Ouais, c'est bien de revoir des gens, mais c'était très intéressant, très intime aussi, parce qu'en fait, t'es dans ton salon. C'est ça. C'est une véranda. On voit l'extérieur de ta maison. Il y a beaucoup de verdure. On sent qu'il y a de l'espace. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'espace. Et tu te retrouves par moment dans ce même lieu à avoir justement à un moment donné ce vélo d'appartement. Ouais. Voilà, ce vélo d'appartement. Il y a eu un autre truc improbable. Tu te retrouves dans une baignoire. Dans une baignoire, oui. Le but, c'était de trouver des endroits un petit peu improbables où on pouvait, sur certaines chansons qui prêtaient, qui prêtaient, enfin, qui étaient, qui était assez intéressante. On pouvait faire quelque chose d'un peu décalé. C'était l'objectif, ouais, d'essayer de trouver des décors un peu improbables, ou des déguisements, ou des trucs. Fallait s'amuser, hein, de toute façon. Fallait trouver de quoi s'amuser. Je me suis vraiment bien marrée. Bah, tant mieux, c'est cool. Ouais, je me suis dit, il est intéressant, parce que j'aime beaucoup déjà ton univers. La chanson française, c'est toujours bien de la défendre aujourd'hui. Et puis, il faut rappeler aussi ton âge, que toi, tu as des influences, bon, quel que soit l'âge, mais souvent, les adolescents ou les jeunes hommes, ou les jeunes filles de ton âge écoutent plutôt du rap. Et j'ai trouvé très intéressant, je voudrais savoir aussi... quelles sont tes influences aujourd'hui pour que t'en sois arrivé à chanter de cette façon-là ? Et si tu peux m'en dire plus. Carrément. Bah ça c'est la question où qui me demande toujours beaucoup de réflexion, parce que j'ai tellement d'influences différentes que c'est un peu compliqué de ne pas oublier de gens. Je pense que le premier artiste qui m'a vraiment marqué, c'est Georges Brassens. J'avais 5 ans à peu près quand j'ai découvert Georges Brassens en maternelle, puisqu'on chantait ses chansons. Mon instituteur chantait ses chansons, donc ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai écouté une compilation de Brassens, je pense, pendant très très longtemps, ce qui a un petit peu saoulé mes parents d'ailleurs, ou ma sœur surtout. Mais moi, ça m'a beaucoup apporté. Ça a vraiment été l'artiste qui m'a marqué en premier. Et après, bon, ce qui est un petit peu bizarre quand on a 5 ans d'écouter Georges Brassens, je suis d'accord. Mais j'ai jamais vraiment écouté de choses de mon époque, on va dire, un petit peu. Est toujours très varié. Après, ça peut aller de Brassens à AC/DC ou à Bob Marley ou n'importe quoi. Plein de styles différents. Et dans ce que je fais, dans la façon dont je compose, j'essaie toujours de mettre des choses un peu différentes, des univers différents, passer de choses un petit peu hip-hop, par exemple, ou à du reggae, ou à des trucs plus rock, plus hard rock, plus péchu, des balades. En fait, il y a tellement de choses, tellement de trucs qui m'inspirent que j'essaie de tout mettre, faire un espèce de melting pot. Et puis c'est comme ça que je compose la plupart du temps, comme ça que ça m'influence. Comment tu écris ? Tu commences déjà à composer, tu poses ensuite tes voix dessus, enfin tu écris, comment ? Est-ce qu'il n'y a pas de règles et puis dans quel état d'esprit ? Ouais, alors des fois, avant, ça, en fait ça dépend, puisque comme j'ai commencé à écrire vers 14 ans, 14-15 ans, ma façon d'écrire et de composer a quand même pas mal changé, pas mal évolué. À l'époque, je pense que j'écrivais la musique d'abord. Ensuite, j'ai commencé à faire d'abord les paroles, et puis maintenant, je fais les deux en même temps. Donc voilà. Où j'écris, c'est ce qui donne d'ailleurs des textes un peu différents et des façons d'articuler les mots. Par exemple, quand j'écris vraiment le texte d'abord, c'est limite rappé sur certaines choses. C'est un débit qui est très rapide au niveau de la parole. Quand j'écris d'abord la musique, j'arrive à faire des trucs un peu plus posés au niveau du débit de la parole. Et enfin moi je le sens en tout cas, la façon dont, enfin quand je chante mes chansons, je sais à peu près comment je les ai composées. Et voilà, c'est comme ça. Ça dépend. C'est très libre. Mais souvent c'est la nuit. Voilà, j'écris la nuit. Par contre, voilà, il y a des atmosphères un petit peu marquantes comme ça. J'arrive pas à écrire en journée. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Tu es autodidacte ? Alors j'ai commencé la guitare. Pour ce qui est de la guitare, je ne suis pas autodidacte. J'ai été au conservatoire à Blois pendant 3 ans. J'ai commencé d'abord chez un prof particulier pendant 4 ans. Donc ça fait 9 ou 10 ans que je fais de la guitare, pas en tant qu'autodidacte. Et pour le chant, par contre, oui, j'ai pratiquement pas pris de cours de chant. C'est venu assez naturellement. C'est un travail sur le plus long terme, du coup, mais c'est venu comme ça. Et pour l'écriture aussi, autodidacte, pour le coup. D'accord. Voilà. Donc en fait, ton projet solo, lui, il a vraiment démarré, tu avais 16 ans, je me trompe pas. 15 ou 16 ans, oui, je pense à peu près. Ta première scène, tu t'en rappelles ? Oh oui, là, je m'en souviens parce que j'ai bien stressé. La première scène, on va dire, avec ce projet-là en tout cas, c'était à Blois, pareil, donc dans la ville où je suis né. Et c'était en première partie de Camille Esteban et Navi, donc deux artistes dont j'ai repris des chansons pendant le confinement. Et ce qui était quand même, pour une première scène, plutôt pas mal, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et j'étais très, très, très, très, très stressé, beaucoup trop. Donc c'était la première fois où j'ai joué mes compositions en public et seul sur scène. Et depuis, il y en a eu beaucoup. Est-ce que tu es un artiste qui écrit beaucoup ? Alors, ça dépend des périodes, ça dépend des émotions aussi, parce que, ben justement, c'est ce que je disais, par exemple...

Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce titre ? Alors en fait, c'est un titre que j'ai écrit avec mon père. Oui, parce qu'on en reparlera après, j'imagine. Mais on travaille beaucoup en famille. Je dis on beaucoup parce que je ne travaille pas tout seul, loin de là. Et dans ce travail en famille, il y a aussi l'écriture parfois. Et donc mon père a écrit une partie de ses, même en grande partie ses paroles. Moi, j'ai écrit la musique et j'ai modifié quelques trucs. Et ça donne ça. C'est une chanson sur tout simplement sur le harcèlement dans le monde du travail. Et bien sûr, inspiré de faits réels, parce que ce serait pas drôle sinon. Donc voilà, ça quand donne. Quand tu dis inspiré de faits réels, c'est lié à la famille oui. Ou c'est du, oui, c'est à la famille. C'est... Ouais. D'accord. Un petit peu comme tout le monde peut être exposé à ce genre de faits tout simplement. Et mon père, en tout cas, quand ça lui est venu, a été touché par ce genre de faits, comme on dit tout simplement. Donc, puis bon, c'est d'actualité. Carrément. Et justement. La plupart de tes titres, sur ton EP, en particulier, rappelle-moi le nombre de titres qu'il y a sur ton EP. Il y avait 7 titres. Ouais, donc c'est un bel EP. On ne sait même pas trop si on peut le qualifier d'EP, tellement il y en a. Ouais. Donc, c'était Nouvelle Saison. C'est ça. Elle est sortie en 2017. Mm-hmm. Avril 2017, ouais. Avril 2017. Sur ces titres, j'ai trouvé, sur cet EP, j'ai trouvé des titres... Il n'y avait aucun qui se ressemblait. C'est vrai. C'est pas que j'ai pas trouvé de cohérence, oui. Mais j'ai senti qu'il y avait à chaque fois. Soit ça, c'était de l'actualité, justement, c'était d'actualité, ou c'était une aventure que toi, tu avais vécue. Enfin, c'était un vécu. C'est ça. J'avais un peu ce sentiment-là. Il y a notamment un titre que j'ai trouvé un petit peu particulier, qui est lié à l'Arabie Saoudite. Et est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Bien sûr. Oui, en fait, donc ce titre, c'est le titre qui a donné le nom de l'album, c'est Nouvelle Saison. C'est une chanson que j'ai écrite, je pense que c'est une de mes premières chansons, j'ai dû l'écrire quand j'avais 15 ans. Oui, ça doit être ça, en 2015. Et c'est une chanson que j'ai écrite après avoir lu un article d'Amnesty International qui parlait d'un jeune manifestant saoudien qui s'appelle Ali Al-Nimir et qui a été emprisonné et condamné à mort à l'époque. Par la justice saoudienne pour avoir manifesté pendant le printemps arabe. Et grâce aux actions d'Amnesty, par exemple, et de plusieurs associations, la peine n'a pas été exécutée. Mais à l'époque où je l'ai écrite, c'était encore un petit peu flou, on ne savait pas trop ce qu'il devenait. Et c'était une période, ou comme encore maintenant, mais une période où j'écrivais beaucoup sur l'actualité et sur les choses qui me touchaient de ce type-là. Et j'ai tout simplement voulu rendre un petit hommage à ma manière, et ça a donné cette chanson, donc Nouvelle Saison, et cet album même, en fait. Ouais, je l'ai trouvé particulièrement bon, intéressant. Je suis toujours extrêmement... Il y a de la douance, je me dis, à ton âge, c'est là où on a beaucoup d'inspiration aussi. Complètement. On se pose beaucoup de questions. Toi, tu as démarré tôt, mais tu as réussi à le retranscrire rapidement sur papier. Ouais. Et puis, dans tes compos, tu as réussi à développer, etc. J'ai vu que tu avais, comme je le disais tout à l'heure, tu avais fait quand même 70 concerts. Ton objectif aujourd'hui ? Là, tu vas sortir, bien sûr, on va le rappeler, ton premier album. Dans quelques mois normalement pour la fin d'année. Pour la fin d'année. Tu veux aller où aujourd'hui ? Tu as commencé très tôt. C'est ça. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ça va trop vite ? Ou 70 concerts avec quand même des belles têtes d'affiche ? Si tu peux en nommer quelques-unes. Alors j'ai fait plusieurs fois, j'ai fait d'ailleurs deux fois la première partie, par exemple d'Oshi, qui est une artiste qui tourne beaucoup, Oshi, Clara Luciani aussi, Gauvin Serres, qui est un artiste que j'aime beaucoup, que j'ai vu plusieurs fois sur scène, et j'ai pu faire sa première partie. Des artistes plus locaux aussi, Volo, Oisif, ou des gens qui sont devenus même parfois des amis. Et oui, beaucoup de scènes, c'est vrai, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes, et j'ai été très chanceux à mon âge de pouvoir faire autant de scènes et avec autant de monde aussi et rencontrer autant de gens. C'est aussi du travail, mais c'est aussi de la chance, et c'est super, en fait. C'est vraiment super. Tu as beaucoup de soutien, je parle professionnel. C'est-à-dire que tu as le soutien de ta famille, ouais. Puisque papa est pas très loin, ouais. Même très très proche de toi, puisque c'est ton manager aujourd'hui. C'est ça. Mais tu as le soutien aussi de tes amis qui viennent de temps en temps t'accompagner sur scène. Et puis, tu me dis hein, si je dis des bêtises. Non, c'est ça. D'accord. Très bien. Tu as le soutien aussi de structures qui se trouvent dans la région, qui t'aident à avoir des scènes. Je sais que tu as monté aussi ta propre association. Oui, c'est ça. Donc, comment s'est fait, en fait, ce projet comment tu l'as monté? En fait, le projet, alors on le bosse vraiment, tout est bossé en famille, que ce soit autant mes parents, ma mère et mon père, et même ma sœur, des fois, qui participe un petit peu. Même mes grands-parents, en fait. On fait tout ça en famille, on fait ce qu'on peut avec nos petits niveaux de débutants, on va dire, mais on s'en sort plutôt bien jusqu'à maintenant. Et oui, on a créé une association, c'était avant la sortie du premier album, justement pour gérer tout ça. Et on se partage les tâches, en fait, tout simplement, en particulier les parties administratives. J'avoue que je sais pas trop mon truc. Mais tu sais ce qu'on va faire? On va faire une pause musicale et tu vas nous expliquer tout ça juste après. Super. D'accord. Ouais. Alors, on va s'écouter Anita Farmine. Tu connais peut-être ? Non, mais je vais découvrir. Elle est originaire d'Orléans. D'accord. Tu vas voir, c'est très sympa. On va écouter Désert, Anita Farmine. Rien que non, l'âme c'est inutile. Comme l'air, ces toiles s'éteignent. Comme l'air, les amants s'étreignent. Une dernière fois. Une dernière fois. Au confin de nuit sans sommeil, j'userai de ma plume gracile, saluant son repos éternel d'un chagrin. Vous venez d'écouter Anita Farmine Désert. Nous sommes avec Mathis Poulain, dans les coulisses. C'est moi. Rebonsoir, Mathis. Tout se passe très bien avec Mathis. Donc, on était en train de parler de ton entourage, des personnes. Tu étais en train d'expliquer que tu as toute la famille qui t'aide sur ton projet. Oui. Alors, comment vous vous êtes répartis les tâches? Il y a une répartition, chacun sa mission. Tout est organisé. Comment ça se passe c'est chez toi? C'est assez organisé pour le coup. Alors moi, je gère évidemment forcément plutôt le côté, on va dire, artistique. Mon père, pour le coup, je gère beaucoup le côté administratif. C'est, on va dire, mon manager, si on peut dire. Même mes grands-parents, on assure la vidéo, par exemple, ou des choses comme ça, des tournages de concerts pendant les concerts. Voilà. En fait, on se répartit les tâches naturellement en fonction de ce qu'on sait globalement faire. Moi, je reconnais que le côté administratif, c'est pas mon truc, donc je ne vais pas trop m'en occuper. On se répartit les tâches comme ça, tout simplement. Et pour le booking? Alors, le booking, c'est la recherche de dates de concert. Comment ça se passe? Qui y va? Qui s'y met? Qui Alors, s'y colle? On s'y met tous ensemble, mais je reconnais que c'est un travail... C'est un travail qui prend beaucoup, beaucoup de temps aussi. Et ça, c'est souvent mon père qui s'en occupe. Souvent même pour aller directement dans les salles. Et puis quand je peux, par exemple, comme je suis étudiant à Tours, j'y vais sur place, si je suis sur place. En fait, c'est plus géographique, hein, au niveau du temps. S'il faut aller chercher une salle à Tours, bah, je vais faire un tour à Tours. Oh, c'est joli. et puis voilà, et puis on fait comme ça, en fait. C'est assez libre. Mais ça prend beaucoup de temps. Qu'est-ce qui, d'après toi, pour avoir fait déjà 70 concerts, je le rappelle, à tout juste 19 ans, allez, 19 ans et demi, je vais vieillir. Qu'est-ce qui, pour toi, fait que tu arrives à jouer sur des premières parties comme Oshi, Clara Luciani? Qu'est-ce qui, pour toi, est ton point fort ou séduit? Qu'est-ce qui séduit aujourd'hui les programmateurs? Je sais pas forcément, je sais pas, parce que bon, je sais pas vraiment dans ma personnalité, j'arrive pas trop à trouver ce qui va et ce qui va pas, ou plutôt ce qui va pas, je trouve, mais ce qui va moins. je pense que, alors, je disais la chance tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un petit peu de chance quand même de pouvoir accéder à ce genre de scène à 16 ans, quand j'avais 16 ans, enfin entre mes 16 et 19 ans. C'est quand même vraiment, vraiment, vraiment de la chance sur beaucoup de choses, mais c'est aussi beaucoup de boulot. Et c'est toute la recherche qu'on fait en famille, justement, ces recherches de scène. Ça paye quelquefois, d'autres fois ça paye moins. Mais Tu penses que, bon, y a forcément du travail, hein, oui. de booking, pour trouver ces dates, mais sur ton projet, sur ce que tu, toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu apportes à la scène aujourd'hui de la région? Je sais pas. Bah alors je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui manque? Est-ce que est-ce que c'est du fait aussi que tu sois jeune et que... Peut-être. Non, mais on n'a pas de langue de bois aujourd'hui, hein, d'accord? C'est la jeunesse, mais aussi, il n'y a pas que la jeunesse. Hein. C'est que tu as vraiment un univers à apporter, hein. Tu as ta place sur l'émergence, et c'est qu'est-ce que tu peux en faire de ça aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as l'intention d'en faire? Tout simplement d'en faire, moi, enfin, en tout cas mon travail, mon objectif de vie, c'est ça, enfin, c'est de bosser dans la musique et de mener à bien ce projet, là encore pas tout seul avec tous les gens qui travaillent autour. Mais oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont, enfin, même localement, en fait, tout simplement, c'est de promouvoir la scène locale. Il y a beaucoup, beaucoup de gens autour dans la région. Moi, je suis plutôt basé sur Tours, donc il y a sur Tours et sur Blois. Il y a beaucoup de monde, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Je fais partie de ces gens-là et je suis très fier de faire partie de ces gens-là. Oui, tu peux, hein. Et merci. Et après, voilà. Je ne sais pas si j'ai des choses plus que les autres, mais en tout cas, je vais les défendre quand même un minimum, un petit peu. Tu peux, hein, tu peux être fier, et puis défendre cet univers. Ce n'est pas facile, le monde de la musique n'est quand même pas évident. C'est sûr. Ce qui est bien, c'est que tu es bien entouré. Oui. Alors, tu disais que tu avais une association, tu as monté une association avec une licence qui te permet d'être finalement... donc, tu t'autoproduis, c'est mais ça. En fait, d'être... en auto, en indépendance totale? Alors, Total, bah, oui, parce qu'on se débrouille, en fait. Ça fait office de label, c'est ce qui fait un petit peu office de label, tout simplement. Mais c'est très familial, quand même. Hein. C'est, voilà, c'est, D'accord. mais beaucoup de gens font comme ça, en fait. C'est le plus simple, c'est le plus libre pour les artistes, on va dire, pour faire D'accord. ça. Et c'est comme ça qu'on fonctionne depuis le CD, globalement. Depuis Depuis le l'EP? premier EP, oui. Depuis le premier EP? 2017, du coup. D'accord, très bien. Tu l'avais sorti en physique ou... Ouais. D'accord, tu l'avais sorti en physique à combien d'exemplaires? Alors, on avait fait 1000 exemplaires à l'époque et il nous en reste un peu plus de 100. Donc, Oh, 900 exemplaires ouais. d'écoulés. En fait, on est bien. Enfin, vraiment, c'était aussi étonnant parce que on s'attendait pas forcément à vendre autant. On se disait qu'il allait nous en rester, je sais pas combien sur les bras. Et puis, en fait, bah, ça s'est plutôt bien vendu. Après les concerts en particulier, les gens repartaient avec le CD. Donc, ça, c'est très, très gratifiant aussi. Et puis, c'est ce qui nous a poussé à du coup lancer le projet qui vient maintenant et d'en faire un deuxième, en fait. Comment tu avais financé ce premier EP? Pareil que là, c'est souvent beaucoup de gens fonctionnent comme ça, c'est le financement participatif tout simplement. On avait lancé une campagne à l'époque sur Internet, oui, et on avait récolté ce qu'il fallait, plus même un peu plus de ce qu'il fallait, donc on avait pu financer ce projet comme ça, ce qui était assez ambitieux à l'époque. Maintenant, il y a encore un autre projet qui est encore plus ambitieux, mais D'accord, justement, je voulais c'est rien, un petit bruit, mais ouais. c'est pas grave. Oui, je voulais aussi aborder cette histoire de campagne, hein, puisque pour financer son projet, et notamment la sortie de ton premier album qui va sortir en fin d'année, c'est très coûteux. Ça représente, après, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de chiffres. Bien sûr, Voilà, je suis allée voir, on est à peu près à 12 000 euros, hein, c'est c'est ça, ça. De toute façon, on souhaite 12 500. transparent. Voilà, non, mais je ne savais pas si tu souhaitais qu'on en parle là-dessus. Donc, sortir donc son premier album, enregistrement. Il y avait quoi ton, il y avait l'enregistrement. J'ai vu une ligne enregistrement. Après, tu avais quoi sur toutes tes lignes? Je me souviens plus précisément des chiffres, mais oui, Bon, le studio, bien ça sûr, les représente studios, ça représente beaucoup, beaucoup. 8 000, je crois, ou Je me souviens non? plus. On est sur 6 000? 5 000, 5 000, ouais, 5 000, 5 000, un peu voilà, plus, 5 000 5 000. euros rien que le studio d'enregistrement. Après, il y a la partie physique, il y Oui, a l'impression, la la promotion, ça, promotion. c'est un coût important. C'est très, très important. Et donc, pour financer ce projet, tu as décidé, en fait, pour collecter des fonds, pour financer ce beau premier album qui va arriver de 13 titres, c'est ça? C'est ça. Tu as décidé de monter une campagne de dons, donc ça c'est un financement participatif. Comment ça se passe exactement? Si tu peux nous expliquer, si par exemple moi je veux participer, où je vais pour En fait, c'est sur participer, comment je fais? le site Hello Asso, qui est un site que beaucoup de gens utilisent, en particulier pour réserver souvent pour des concerts, donc dans le milieu associatif en particulier. Et c'est en fait, il suffit de taper dans la barre de recherche du site Hello Asso, Mathis Poulain, premier album, voilà, comme on googlise n'importe quoi en fait. Et on tombe assez facilement sur le projet, ou alors on le retrouve sur mes différents réseaux, donc sur Facebook en particulier, où on en fait la promotion, puisque c'est le gros projet de l'année, donc voilà, on a besoin de faire tourner ça. C'est important pour mener à bien ce projet ambitieux, quand même. Et quel studio tu vas enregistrer dans quel studio? Alors, en fait, le premier album, le premier EP, je l'avais enregistré au studio R à Chaille, donc c'est dans le Loir-et-Cher. D'accord. Et comme on était très satisfait du travail qui avait été fait et de l'ambiance dans laquelle ça s'était fait, de tout en fait, donc bah, on repart sur ce studio-là aussi, que je connais bien, donc D'accord. voilà, juste avec plus de moyens, plus de chansons aussi, tout simplement. C'est aussi pour ça que le financement est plus élevé. Mais voilà, enfin, d'autres musiciens aussi. Mais par contre, le studio est toujours le même, donc c'est toujours Studio R à Chaille. Quand tu dis plus de musiciens, Ouais, c'est-à-dire? alors en fait, sur le premier album, on avait, puisque je suis seul la plupart du temps, en tout cas quand je compose, donc je gère les guitares, sur les guitares et voix. Et puis on avait fait venir un bassiste, un batteur, un harmoniciste aussi, et puis un claviériste. Et là, on part un petit peu sur cette même, je vais pas trop en dire quand même, pour pas Non, bien dévoiler le sûr, secret, mais c'est pour un petit peu ouais. Mais il y a comprendre toujours un petit peu. cette formation-là, toujours basse guitare, batterie, clavier, et puis des petites touches, encore un petit peu plus exotique. Ou... Et tu, c'est une équipe déjà que tu t'es constituée ou c'est des professionnels ? Souvent des professionnels, oui. Des professionnels qui interviennent ponctuellement pour... Pour cet album. Donc en fait, ils sont payés, donc vous avez tout financé, c'est-à-dire leur cachet. Ça fait partie du financement. Voilà, c'est pour ça aussi que ça peut paraître élevé, mais en fait, chaque artiste est payé lors de sa prestation. Et il y a des minimums légaux pour payer un artiste. Et donc, forcément, si vous êtes... ça représente un coût. Ce sont des professionnels. Tout doit être financé et dans la légalité. Donc, ensuite, il y a les frais de studio. Et puis après, interviennent forcément le pressage et puis de la promo. Peut-être que tu as prévu de faire de la promo. Et ça va très, très vite, en fait. Le montant sont assez vite. Donc, j'ai vu qu'il y a déjà des personnes qui ont commencé déjà à te soutenir. Ouais. On est à 25% là de la 25% somme. De l'objectif. On est à fond aussi, nous, à Radio Web Passion. Pour toi, on te soutient bien sûr, je te soutiens aussi, parce que je pense que ça va être un beau premier album et c'est un beau projet. J'espère. Et pour que toi, tu puisses continuer à exister, pour que ton projet puisse continuer à exister et toi t'exprimer, il faut aussi le sortir en physique, mais aussi en numérique. Donc après, en streaming, toi, de ton côté, tu vas aller sur des plateformes. Tu es déjà inscrit, donc il y a des abonnements aussi. Ça se paye aussi. Donc ça, tout ça, ça fait partie de ton financement. Donc toute cette partie de streaming, ça paraît pas comme ça, mais c'est quand même assez cher. Pour chaque titre, tu vas devoir payer pour qu'il puisse être écouté par le public en streaming. Donc, en fait, que tout le monde puisse l'écouter, tout simplement. Voilà, tu es sur quoi ? Spotify, Deezer. Amazon, enfin un petit peu tout. Le plus possible, en fait. Il faut vraiment voir le plus large. Oui, donc en fait, c'est des bouquets. Voilà, tu as un abonnement et puis ce sont des bouquets. Et pour chaque titre, en fait, tu payes. C'est ça. Donc, on a l'impression que ça peut paraître très simple, mais en fait, c'est comme une grande machine de guerre. C'est ça. Et quand il faut faire face, tout se prépare, s'anticipe, se finance. Il y a des subventions, on peut faire appel aussi à des subventions. Il y a toute une grosse machine de financement et un énorme projet. Là, c'est ça. Voilà. Donc, je voulais quand même le rappeler que c'est quand même un énorme travail. Et je te trouve très courageux et très fort. Oh bah. Mais encore, je ne suis pas tout seul. Heureusement, d'ailleurs. Tu n'es pas tout seul, mais heureusement. Bah oui. Oula. Heureusement, parce que c'est quand même assez, c'est quand même assez lourd. Assez lourd. Qu'est-ce que je peux te demander ton développement, toi, en tant que projet. Donc là, le gros projet, c'est l'album. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont venir, peut-être pas tout de suite, mais de clips. Est-ce qu'il y a autre chose qui vont intervenir? Ça aussi fait partie de la promotion, en fait. Tu l'inclus dans la promotion? On essaie de l'inclure le plus possible. D'accord. Parce que ça fait partie du truc, en fait. Mais oui, le projet, est-ce qu'il est en l'album? Mais évidemment qu'on espère. Là, on espère, parce que ça aussi, c'est aussi un coup. Mais on espère pouvoir faire un clip, un ou plusieurs. En tout cas, toujours dans la bonne humeur et familial aussi, c'est cool. Et j'ai déjà fait un clip il y a quelques temps aussi qui est sorti sur les réseaux aussi. Donc c'est toujours lié à un titre de l'album ou de l'EP. Comment tu gères ça, en fait? Oui, par contre, oui, on essaie toujours de... c'est pour faire la promotion, en fait, de l'opus. Tu sors d'abord le clip et ensuite le clip single. On ne sait pas forcément comment on va le faire pour l'instant. D'accord. On est indépendant, tout simplement, donc on ne peut pas prévoir à l'avance autant, parce que c'est un coût important. Mais pour le premier clip que j'ai fait, donc c'était il y a 2 ans, il est sorti après l'album, donc après l'EP. Et c'était très bien, une très bonne expérience aussi, d'ailleurs. J'imagine. Est-ce que tu veux nous jouer un deuxième titre de ton choix ? Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter ? Une chanson qui sera aussi... Oui, là, je fais que des nouveautés, sinon c'est... C'est vrai ? C'est pour un petit peu de suspense. Une chanson de qui sera présente aussi sur l'album, le prochain album, une chanson qui s'appelle « Allons de l'avant ». Allons de l'avant. On y va, alors ? Eh ben, on y va, c'est parti. Je t'écoute. Enfin, on t'écoute. Tarions tout le tétard de la terre. Slogan simpliste peut-être, mais affreusement sincère. Incompédant, incompétent, content de montant de ses financements, armements et gisements d'or. Noir ou blanc, produit sur le dos de millions de gens payant content. Ah, ça on peut être content, y'a de quoi être content. Tyrans, tyrans, les rênes du pouvoir étreignent leur honneur en crachant sur le savoir, versant des torrents de sang et de chair par l'intermédiaire de leur versée, crachant sur tout ce qui sort du rang à contre-courant. Et les tarions tout tétard de la terre. Quand on est con, y a pas de domaine, y a pas de frontière. Oui, les tarions tout tétard de la terre. Slogan simpliste peut-être, mais affreusement sincère. Oh. Les années passent, la populace lasse, enterre la crasse, ressasse, plus classe ce qui la dépasse, mais jamais ne remplace ce qui la casse. Ils disent fini la lutte des classes, y'en a marre des gauchiasses. Nous on préfère attendre que la tempête passe. Que la tempête passe, ta da da da. Et tic-tac, tic-tac, j'attends la tactique technique qui tire à des truands de la classe politique en attendant le renouvellement des stands sur le chemin du changement. Mais les tarions tout tétard de la terre. Quand on est con, y'a pas de domaine, y'a pas de frontière. Mais les tarions tout tétard de la terre. Slogan de quelqu'un qui trouve que l'idéal se perd. Oh. Tarions tout tétard de la terre, padapam, padam. Quand on est con, y'a pas de domaine, y'a pas de frontière, non, non, non, non. Les tarions tout tétard de la terre. Slogan de quelqu'un qui en a marre de faire marche arrière. Alors, allons de l'avant, même si ça prend du temps. Je laisse les passes présents à mes enfants. Bravo Mathis. Merci. Écoute, c'est déjà fini. Je me suis dit, mince, c'est pas vrai. Il a déjà fini son titre. Moi, j'en voulais encore. Ah bah ça, c'est comme ça. Faut bien que ça se termine à un moment. Donc celle-ci, c'était, tu m'as dit ? Une chanson qui s'appelle Allons de l'avant. C'est une de mes dernières. Elle commence à être un petit peu âgée, remarque. Âgée pour. Oh là là. Elle a au moins un an à peu près. D'accord. Et c'est une chanson qui. Enfin, ça fait partie des chansons un peu colère, on va dire. Il y en a quand même. Et une chanson que j'ai écrite d'un coup. C'est, voilà. Il y a des chansons qui mettent beaucoup de temps à arriver. Celle-ci, c'est juste une phrase et un départ de phrase. Et après, ça vient tout seul. Donc là, tu en as choisi 13 pour ton premier album qui sortira fin d'année. C'est ça. Est-ce que tu en as plein d'autres sous le coude ? J'en ai pas mal d'autres sous le coude, j'en garde quelques-unes en secret, mais c'est pas dur de faire des choix ? Si, justement. Mais là ça a été, il y a des chansons sur ce prochain album qui sont assez anciennes, il y a pas que des nouvelles en fait, des chansons que j'ai pas forcément mises dans le premier opus. Donc il y a un petit peu cette différence, et c'est pour ça aussi que c'est important, puisqu'il y a des chansons qui ont au moins 2 ans, des chansons qui ont juste 2 mois, donc c'est important. Il a fallu faire des choix sur certaines, oui. C'est un peu compliqué, mais on se raisonne, c'est pas facile. C'est toi qui as tranché, ou est-ce que ton papa justement intervient, enfin, tu demandes... On intervient tous, oui, bah, je fais jamais mes choix tout seul, hein, pour le coup, enfin, c'est rare. Oui, donc même d'un point de vue artistique... Bah, parce que oui, j'essaie toujours de... J'ai pas forcément la confiance totale, et j'aime bien me concerter. Ouais, il y a du le feedback, quoi. Il faut du feedback, t'es pas tout seul, et même pour tes choix artistiques, ta famille intervient. Toujours, ma famille, même les amis, enfin... Ouais, tu fais intervenir tout le monde. Hein, d'accord. Ouais, mais ça reste en proximité, ouais, quand même, hein, de gens proches. J'essaie aussi, oui, parce que je veux pas forcément. Enfin, en fait, ça dépend aussi de l'ambiance des concerts, par exemple. On le voit si une composition marche plutôt bien en concert, et puis d'autres qui marchent peut-être un petit peu moins. Donc, on fait aussi nos choix là-dessus, en fait, mais sur l'efficacité. Toi, sur scène, combien de temps tu as un set de quelle durée? Alors souvent on est sur une heure et demie la plupart du temps. Ouais, c'est déjà long, hein. Oui, c'est avant, par exemple, je mettais beaucoup quelques reprises quand même dedans parce que j'avais pas assez écrit. Maintenant, j'ai écrit assez, donc j'arrive à faire un set assez long, et oui, une heure et demie souvent. Une heure et demie, ouais, c'est quand même une belle prestation, hein. Ça va, c'est fatigant, c'est éprouvant, mais c'est bon. D'accord. C'est vraiment bon. Est-ce qu'il y a des salles aujourd'hui qui te soutiennent? Alors, sur un soutien long terme, non, pas vraiment, puisque enfin, en fait, ça fait partie aussi d'indépendance, tout simplement. On recherche, hein, s'il y en a, pourquoi pas. Mais c'est très ponctuel la plupart du temps. Et puis c'est très bien, d'ailleurs, c'est bien aussi. D'accord. En fait, ils te suivent. Oui, ils te proposent des dates. Ouais. D'accord. Tu n'es jamais rentré dans un dispositif d'accompagnement? On essaie, ça fait partie aussi. Tu as essayé, tu as candidaté? Bien sûr, oui. D'accord, donc tu as tenté ce genre de... Je pensais que c'était une volonté de ta part de ne pas le faire, mais tu as tenté en fait ces dispositifs. Qu'est-ce que tu recherches dans ces dispositifs? Pourquoi est-ce que tu voudrais y rentrer sur ce genre de dispositif? Ça t'apporterait quoi aujourd'hui? C'est du développement personnel au niveau de la mise en scène en particulier. C'est ce qui te manque, la mise en scène. Bah, maintenant, du coup, il a bien fallu travailler tout seul, tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait ces derniers temps, voilà, ce qu'on a fait. Encore, je dis « on ». Parce que, voilà, essayer de développer le projet, tout simplement, trouver des concerts, trouver des dates, trouver des financements, ça fait partie aussi de ce genre de projet. Et puis, oui, travailler la mise en scène, c'était le gros travail de ces derniers temps. Et on a réussi à le faire quand même indépendamment, et ça marche plutôt bien. Je suis assez content, en tout cas, de ce qu'on fait maintenant, donc c'est cool. D'accord. Donc, c'est... Sinon... Tu es étudiant, donc là, tu es en quelle année en faculté de... Tu fais quoi, là, en fait, en histoire, hein? Je viens de valider ma deuxième année de licence d'histoire. Félicitations. Merci, et puis c'est passé très bien. C'est passé crème. Oui, ça va un peu le dire. On peut dire, là, vraiment, c'est ça. Et puis ça passe toujours crème jusqu'à maintenant, je touche du bois. Eh bah, écoute, bravo. Hein. Donc, je vais rentrer en troisième année d'histoire. J'ai toujours été passionné d'histoire depuis que je suis tout petit. À côté d'écouter Georges Brassens, je lisais aussi des livres sur égyptologie au même âge à peu près. Donc voilà, c'était Champollion, tout n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Dès que c'était historique, c'est important. Donc, en fait, quand il a fallu faire des études, à un moment, je me suis dirigé naturellement vers l'histoire. Mais on va dire que c'est plutôt mon hobby, ça reste l'histoire en fait, et le projet professionnel reste la musique quand même. Ah, donc en fait, l'objectif, c'est ton objectif de vie est plutôt du côté artistique, oui, c'est, enfin, en tout cas, c'est musical. C'est ce que j'aimerais faire, en tout cas. Je ne sais pas si je pourrais, mais d'accord. C'est l'objectif. Mais je fais des études aussi pour m'enrichir, tout simplement, et pour apprendre des choses. Hein. Vraiment, je vois vraiment les études comme ça. Et ça marche bien jusqu'à maintenant. Donc, je croise les doigts. D'accord. Est-ce que tu arrives à conjuguer, comment tu arrives à conjuguer, en fait, les deux? Alors, je suis pas l'étudiant le plus sérieux, je reconnais. Je suis pas vraiment un étudiant très sérieux. Mais j'arrive à conjuguer les deux relativement bien. Même quand j'étais au lycée, c'était peut-être un peu plus compliqué au lycée parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'horaires. L'année du bac a été un peu compliquée, en particulier au niveau des concerts. C'était pas facile de caler des concerts, surtout que les concerts tombent en même temps que les épreuves du bac. Donc voilà, il fallait faire des choix. Maintenant, à la fac, c'est beaucoup plus libre. Il y a beaucoup moins d'heures... Et moi, ça me laisse du temps, en fait, tout simplement. Donc c'est bien. J'arrive facilement à concilier. T'arrives à concilier, à faire les deux. Ça t'équilibre. Tu te nourris de ton égyptologie. Ouais. Et puis, à côté de ça, tu vis ta passion. C'est ça. Tu veux en vivre, en fait, de ta musique. C'est l'objectif final, on va dire. Enfin, je ne sais pas si encore. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de. T'arrives à te cachetonner à chaque fois ou à mettre ça dans l'assaut? Comment? Pour le moment. Je n'ai pas besoin, en fait, de. Voilà, je suis encore étudiant, je suis encore avec mes parents, tout ça. Ouais. Donc, je mets tout sur l'assaut, en fait. Tu mets tout pour. Qui peut être aussi. Qui peut te permettre de financer ton projet. Tout va sur le projet. Donc, c'est volontaire, je n'ai pas envie de. Donc, c'est aussi de l'achat de matériel, ça peut être un besoin de formation, ça peut être un besoin de prendre des cours, puisqu'on sait que même les chanteurs prennent des cours, même des très grands chanteurs prennent des cours, toujours. C'est un travail perpétuel. C'est un travail, si ce n'est que quotidien, si ce n'est aussi quotidien. Donc, ça représente beaucoup d'argent. Quand on dit que le monde de la culture brasse beaucoup d'argent, c'est la vérité. Est-ce que tu as pensé à enrichir ou pas? Enfin, après, c'est pas une opinion, hein. Je veux pas t'orienter vers quelque chose dans ce titre-là. Mais est-ce que tu penses à faire des collaborations, des feats? Je te vois sourire, ouais. C'est que ça te parle. Hein. Ouais. En fait, ces derniers temps, en particulier sur l'écriture, par exemple, c'est quelque chose que je voyais comme très personnel, donc écrire seul. Et là, pendant le confinement, j'ai eu l'occasion de travailler avec un ami, auteur-compositeur, interprète d'Orléans d'ailleurs, qui s'appelle Mourad. Et on a écrit une chanson ensemble. Donc c'était la première fois où j'ai écrit, on va dire, une chanson qu'on a diffusée sur les réseaux d'ailleurs, sur l'après-confinement, donc c'est-à-dire la période où on est actuellement. Et ça a été vachement enrichissant, donc en fait, j'y pensais pas vraiment. Et ça s'est venu naturellement sur une de ces propositions. Et c'est vachement sympa, c'est vachement enrichissant. Et travailler avec d'autres artistes, s'enrichir de leur... Enfin, c'est un échange, en fait. On s'échange nos compétences, on va dire, ou nos points de vue. Et c'est vraiment sympa. Et dans l'album, il y aura, je n'en dis pas plus, mais il y aura des petites collaborations locales aussi. Voilà. Locales. Oui, oui. Marcher les copains. On fait marcher les copains, ça c'est chouette. Tu as la SACEM aujourd'hui, oui. D'accord. Depuis le début d'ailleurs. Depuis le début, donc de ton côté, tu déclares toutes tes scènes et du coup, c'est pareil, tu es rentré dans un registre de professionnalisation. Bien sûr, c'est un des premiers pas vers la professionnalisation pour le coup, oui, c'était un des premiers. D'accord, très bien. Alors moi, je vais avoir quelques dernières questions. Ouais. À toi, si tu veux nous en dire plus sur ton projet, voilà. Moi, je finis toujours par ces questions-là. C'est toujours à peu près les mêmes, on va dire. Pour toi, Mathis Poulain, comment tu te vois dans 5 ans? Eh bien, sur scène. Dans tous les cas, j'espère. Je me vois sur scène. Je me vois. J'ai plutôt la tête sur les épaules. Je suis pas un grand, grand rêveur non plus. Mais juste sur scène et partager des moments avec le public, m'enrichir de ça, avec le public et avec les gens que je croise en fait. Juste tout simplement évoluer petit à petit, pas sauter les étapes, pas brûler les étapes. Et faire de la musique en fait, tout simplement faire de la musique. En faire mon métier, j'espère. En faire ton métier, d'accord. Métier, passion, les deux. Mais c'est les deux. Et toi, comme tu disais, t'as pas forcément envie d'être sur une grosse scène, si quand même. L'envie, si, bah évidemment. Non mais. On a tout simplement envie. Mais... Est-ce que t'as envie d'aller à l'étranger? Est-ce que t'as envie? Tout est possible. On a envie de tout quand bien on a sûr. 19 ans. Tout à fait. Mais je suis aussi un peu casanier, donc j'aime bien aussi ma petite maison, mon local. Voilà, c'est quelque chose auquel je suis habitué aussi. Mais bien sûr, évidemment, j'ai envie de faire des belles scènes, bien sûr, le plus possible aussi, et bouger, apprendre en fait, apprendre et se nourrir des gens, dans le bon sens du terme, tout simplement. Et qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile depuis le début? Justement, c'est ce que je disais au début, en fait, j'ai vraiment pas connu de gros, je touche du bois, hein, de grosses tuiles, enfin, c'est vraiment très... Je trouve que j'ai été vraiment chanceux au niveau des scènes, au niveau de la progression. J'ai pas vraiment de trucs vraiment difficiles. Il n'y a pas que des bons moments, enfin, jusqu'à maintenant. On a essayé peut-être de brûler les étapes au début, d'aller plus vite que la musique. En fait, non, il faut juste respecter le temps et faire sa vie. Et j'ai pas vraiment eu de moments vraiment compliqués, justement. Vraiment, merci tout le monde, je sais pas, merci des gens que j'ai croisés. Mais ça a été très bien jusqu'à maintenant. Alors, une question qui revient à chaque fois. Quel conseil tu donnerais à ceux qui veulent se lancer dans la musique ? Ouh là là, bah déjà moi j'aime bien recevoir les conseils plutôt qu'en donner parce que je me considère pas comme pouvant en donner, mais tout simplement essayer, écrire, essayer de faire sa musique, plutôt sur l'écriture en fait, de se donner à fond dans ce métier-là et dans ce métier, dans cette passion, parce que c'est les deux, je pense qu'il faut que ça soit les deux, et d'y aller à fond en fait, tout simplement, de faire ce qu'on a envie. De ne pas se laisser embêter par les modes ou par ce genre de trucs, on fait ce qu'on a envie, tout simplement. D'accord. Et de se nourrir, d'écouter beaucoup de choses aussi. Et demain, tu es repéré par une grosse maison de disques. Comment tu réagis ? Est-ce que tu te dis « je ne suis pas encore prêt » ou alors tu te dis « j'y vais » et... bien sûr, je réfléchis hein, avec papa, maman et les grands-parents et la sœur. Puisque vous avez déjà dû aborder, à mon avis, cette question. En fait, ça vient forcément en tête hein, parce qu'on se pose la question, qu'est-ce que ça ferait ? Qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là ? Qu'est-ce qu'on ferait ? C'est une grande question auxquelles je n'ai toujours pas répondu, mais j'attends le moment déjà. Mais... ça peut venir d'un coup, oui, hein, tu sais, Mathis. Complètement. Mais, mais je ne sais pas. En fait, ce qui est important, c'est de faire ce qu'on a envie, vraiment. C'est essayer de rester libre quand même. Mais évidemment, ça permettrait aussi de propulser le truc. C'est important aussi. C'est un peu comme The Voice. Et je ne sais pas si tu y as pensé, The Voice. Alors, on m'a déjà demandé un petit peu, justement, qu'est-ce que je pensais de tout ça. Et en fait, bah, c'est très bien. Juste, je ne me sens pas capable de faire ce genre de d'émission, par exemple. Parce que où là, il y a vraiment un truc vocal et je ne sais pas si j'ai cette capacité-là en fait, d'assumer ça. Donc, j'y réfléchis tous les jours, hein, bien sûr. Est-ce que d'être dans la lumière trop d'un coup fait pas un peu peur ? Si, ça me fait peur, bien sûr. C'est aussi pour ça que maintenant, j'ai cette philosophie-là, on a cette philosophie-là, de respecter le temps et de prendre, voilà, pas brûler les étapes. Parce que bondir d'un coup, la chute, elle est quand même un petit peu haute parfois, donc il faut prendre le temps et se nourrir des gens, enfin, voilà, vraiment, des échanges comme ça, des échanges en fin de concert aussi, des gens qui viennent se féliciter parce qu'ils ont été émus ou touchés ou un peu tout. Bah, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Enfin, c'est ça c'est ce que j'ai envie d'entendre. C'est du plaisir. Bien sûr. Et puis, c'est de vivre le temps présent. D'accord. Alors, on va rappeler quand même tes deux prochaines dates. Ouais. Le 31 juillet, tu seras sur scène à la Guinguette Domino à Suèvre dans le 41. C'est ça. C'est ça. Le 14 août, tu vas aller tu vas jouer sur un beau festival, Délire d'été sur Blois. C'est ça. As-tu d'autres dates ? Et là, en fait, les dates, bon, ça, c'est les deux grosses dates principales de l'été, puisque cet été, en fait, on va surtout axer le travail sur l'album, sur l'enregistrement de l'album, puisqu'on compte l'enregistrer en août, et on commence déjà à enregistrer un petit peu dès demain, d'ailleurs. Mais pour les dates, oui, il y a quelques dates qui commencent à arriver et ça, on pourra les retrouver sur les réseaux, en particulier sur Facebook. Alors, on peut te retrouver sur quel réseau, enfin, sociaux ? Sur Facebook, Instagram, Twitter, bien sûr, sur mon site internet aussi, mathispoulin.com. Voilà. D'accord. Et puis, on essaie d'être assez actif. Là encore, c'est un travail en famille, donc on essaie d'être encore actif. Donc, t'es sur Facebook, Instagram, Twitter. Et puis, voilà. T'as ton site. Et puis j'ai mon site. Et puis évidemment, les sites de streaming aussi. Et tu es sur plateforme de streaming. Donc c'est déjà pas mal. Donc on rappelle ton EP qui est sorti en 2017 qui s'appelle Nouvelle Saison. C'est ça. Qui avait 7 titres. Ouais. Qui est très très très très bon. Merci. Je le recommande. Et tu as ton premier album qui va sortir avec 13 titres à la fin de l'année. Ouais. Pour lequel tu as une campagne de dons pour ce beau projet. Donc, je vous invite tous à soutenir Mathis Poulain et aller sur Hello Asso. C'est ça. Et Hello Asso, Mathis Poulain, premier album, tu m'as dit à l'heure. On trouve facilement, voilà, tout simplement. Ouais. Donc, on va souhaiter plein de bonnes choses. pour ta petite, pour ta grande carrière qui est devant toi. Merci. J'ai pris beaucoup de plaisir à t'accueillir et à te connaître davantage. Donc, tous mes voeux de réussite. Merci beaucoup. De mon côté, nous allons nous quitter et nous revoir le 13 juillet pour une spéciale. C'est une spéciale où on parlera de régie et également de booking. Donc Mathis, si tu veux nous écouter ce jour-là, c'est peut-être à toi de me donner des conseils vu que vous êtes très très fort. On va se quitter avec Dennis Lloyd de Leftovers et je vous dis au 13 juillet et je te souhaite encore un bon retour Mathis. Merci beaucoup, et merci de tu es le bienvenu, donc reviens quand tu veux et donne-nous des nouvelles. Je noterai tous les réseaux sociaux, tous tes liens sur ma page dans les coulisses, pour qu'on puisse aller voir et te soutenir sur Hello Asso. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Et bon retour. Merci. Au revoir. Au revoir. Take away my eyes, take away my ears, take it all away from me. Take away my arms, take away my knees, you can blame it all on me. Take away my heart, take away my soul, take it all away from me. Take away my dreams, take away my goals, you can blame it all on me. I'm a mess and I will always be. Do you wanna stick around and see me drown? Oh, fuck, I'm about to lose it all. I'm a drunk and I will always be. Begging baby, take my hand before I fall back down. Fuck, I'm about to lose it all. Oh baby, won't you come back for me, back for me. Oh baby, won't you come back for me, back for me. Take away my shirt, take away my shoes, take it all away from me. Take away my guilt, take away my shame, you can blame it all on me. Take away my love, take away my hate, take it all away from me. Take away my fears, take away my faith, you can blame it all on me. I'm a mess and I will always be. Do you wanna stick around and see me drown? Oh, fuck, I'm about to lose it all. I'm a drunk and I will always be. Begging baby, take my hand before I fall back down. Fuck, I'm about to lose it all. Oh baby, won't you come back for me, back for me. Oh baby, won't you come back for me, back for me. Come back.